phonétique. Activité 11. 1. Salade de tomates. 2. Filet de poisson. 3. Sauté de porc. 4. Pommes de terre. 5. Salade de lentilles. 6. Sauté de mouton. 7. Compote de pommes. 8. Pâté de campagne. 9. Gratin de poisson. 10. Boulettes de bœuf. 11. Gratin de courgettes. 12. Terrine de volaille. 13. Terrine de poisson. 14. Beaucoup de carottes. 15. Fromage de chèvre. 16. Jamais de navet.